tout dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Audrey Tremblay vient nous parler d'une nouvelle édition du Zone Campus. Et Stéphanie Gagné nous confie son coup de cœur du moment dans ton plat favori. Assemblage requis, ça commence maintenant. Oui, c'est maintenant que ça commence, cette nouvelle semaine d'Assemblage requis. Bienvenue à vous, moi c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 7 février. Oui. Passez une belle fête semaine. Ça a été très court, très court et j'ai très mal au ventre. Donc... Ah, ok, est-ce que tu veux raconter les détails de ça? Non, du tout. Non, ben tant mieux, parce que je sais pas si j'aurais pu soutenir ça. Le déjeuner vient tout juste de... commencer à descendre, je voudrais pas qu'il remonte non plus. Même chose pour les gens à la maison. Bienvenue à vous, que vous soyez en voiture à la maison, en train de déjeuner, en train de prendre votre douche. Peut-être, tu sais, les petits radios que tu peux mettre dans la douche, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Je sais pas si ça fonctionne bien, ça. Ben oui. Ouais? Ben oui. C'est super le fun, ça. Je sais pas, j'ai jamais utilisé. Non? Non. Avec le, tu peux avoir une petite chose aussi à shampoing, peut-être avec ça. Il y a plein de, oh ouais, pour vrai? Y a plein de combinaisons possibles à faire avec ça. C'est de la technologie 2011, François. Oh, wow! 2011. Aujourd'hui, l'émission, c'est extrêmement chargé, plus que d'habitude. Hein, non seulement t'as le shampoing et le revitalisant, t'as aussi le bain, les bulles. Les bulles? Les bulles pour le bain. On va avoir, entre autres, Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va venir nous parler du plus récent numéro qui est en kiosque maintenant. Oui, oui, tout à fait, qui est en kiosque depuis vendredi. Oui. Donc, on reçoit aussi Stéphanie Gagné. Oui. Qui va nous parler, en fait, sa chronique Take Me Out, sa chronique sortie. Mm-hmm. Et puis, sa chronique... Ton plat favori. Donc, ça va être aux alentours de 8h30. Tout à fait. Évidemment, pour accompagner son plat favori, t'as tes crudités? Oui. J'ai mon dessert. Oui. C'est ça. Sinon, cherche-le. Ouais. Non, mais à savoir si tu vas être capable de trouver de Tiny. Ah, ben on va voir ça, Je vais aller voir. Moi, mes talents de détective. Aussi, à l'émission aujourd'hui, on a Dave Morgan. Dave Morgan. Continue. Du Manchester, qui va nous parler des lundis de l'humour qui ont lieu les lundis. Oui. C'est bien ça? Exactement. D'accord. On a Nicolas Duchamp vers la fin de l'émission qui va venir nous parler de l'inconduit de partie. Aujourd'hui, à l'inconduit, c'est un spécial Super Bowl. J'ai entendu dire que ça parle de toutes sortes de ballons là, et de gens qui se sont lancés le ballon. Ah non, ça va être intéressant. J'ai une couple de questions pour lui. Ah oui? Ouais. On lui parlera d'ici à la fin de l'émission. Mais on commence en musique. Voici Braids. Et une nouvelle entrée du palmarès anglophone, c'est Plath Heart sur C'est fou 89 FM de ton assemblage requis.

qu'ils découvrent que la plupart ne le sont pas vivants. Même si, apparemment, que j'utilise le mot apparemment beaucoup trop souvent. C'est ce qu'ils disent. J'entends ce qu'ils disent. À Tokyo, c'est ce qui est marqué. Ça. C'est ce qui est marqué dans l'article. Voilà pour la collecte, c'est un fait pour aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses. Hey, Mathieu, de façon très bizarre. Oui. Tu m'as fait penser quand t'as parlé en fait, là, du jeune homme qui. Les eaux. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai écouté à Canal D cette semaine, vendredi soir, pour être plus précis. L'histoire à quelle heure? 9h, si je me souviens bien. L'histoire d'Alain Piché. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. C'est l'homme qui a tué ses deux parents et qui les a mis dans le congélateur. Il se met au Cap de la Madeleine. Dans la région, Ouais. Dans le cadre de l'émission, un tueur si proche, c'était excellent. C'est bon, cette émission-là. Oh, tout à fait. En plus, c'était au Cap de la Madeleine, donc on avait des repères au niveau... Les rues et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, il a fait son bac ici à l'UQTR. Ah. Et blablabla. Donc, c'était fort intéressant. Je pense que ça va être en reprise. Là. Par exemple, il faudrait visiter le Canal D. Le site du Canal D pour... Ouais, c'est ça exactement. Je pense que je suis pas assez rapide pour voir exactement ça repasse quand, mais je le suggère à tout le monde. Oh non, j'ai pas cliqué sur la tout à fait, François. T'es-tu dessus? Je pensais y arriver moi aussi, mais apparemment qu'on est tous les deux pas assez vite. Attends un peu. Là, je suis dessus, mais... tu vois, c'est proche 16h aujourd'hui. Alain Piché, ça joue lundi 7 février à 16h. Ça rejoue demain, mardi à midi, et puis à 2h du matin. Mercredi à 22h et vendredi à 8h du matin. Bon. Allez voir sur canadé.com, cliquez sur émission. Un tueur si proche, c'est cliquer sur épisode précédent et vous l'aurez. Alain Piché. Ça vaut la peine. Aïe, aïe. C'est le seul mot que j'ai à dire. Ouais. C'est comme ça. Tout à l'heure à l'émission, on va avoir notre ami Audrey Tremblay qui va venir nous parler du journal Zone Campus, le numéro le plus récent, qui est en kiosque en ce moment même. Là, ça part du carnaval au passé. Le carnaval? Ouais. Apparemment que c'était remarquable. Je pense que ça a bien été. Mais avant ça, on va retourner en musique. François, je te suggère de me demander une pièce. C'est comme une demande spéciale. Je vais te faire une dédicace. Je vais te signer ça dans le front. OK, parfait. OK, attends un peu. Je me croise les doigts comme ça et je te demande. OK. Oh. C'est un défi à ajouter. Non, je sais pas. Si les frères Gaillette, ça fait longtemps. Oui, tout à fait. Gars de la place, eux aussi. Gars de la place, ils n'ont pas tué personne à ce qu'on sache. Non, ils n'ont pas passé à Canal D. Bref, je ne les ai pas vus dans l'émission du Heure si proche. Peut-être que ça va venir, mais je le souhaite pas. Bon, c'est bien tant mieux, ça. Voici la pièce Mercury, Pierre Mercure. Mercury, Pierre Mercure, à Assemblage requis au 89.1. De canard et février demeure le mois le plus tough et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace, ils mettent la table, le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige reste au vestiaire. Un bulbe de tulipes enfoui sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa brosse frère. Mais qui patine pas, qui joue en l'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est des oui-dire, y'a son passeport, y'a sa paperasse et y'a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, y'a le CH tatoué sur le chest. Et certains disent Benjamin avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine, il aurait pu jouer pour la grande ligue. Mais c'est pas une fois, il joue en sneak. Non, il patine pas, il joue en sneak. Oui, il a gagné, il fait au grain, lui sert un solide coup d'épaule, mesdames et messieurs. mouillette est ébranlée. Et sur la glace, il ramasse ses dents. Pendant ça là, marchand, il se sauve avec la rondelle. Le long d'abord, il file, il vole. Le bouquin est en feu, mesdames et messieurs. Il passe à Mercure. Mercure devant le défenseur, le duc. Habilement, renvoie à marchand. Marchand zigonne avec la rondelle. Le renvoie à Mercure, là, c'est sur réception. Et sur le but. Et quand le rêve. On drape la porte, on peut sentir toute l'onde de choc. Le slap shot résonne comme un grand coup de gun. Et le tonnerre pète dans ses l'EHPAD du Golden Goal. Les jambes vivantes qui blessent de l'air. Zamboni, le vilain de l'ouragan. Les frères Goyette et la pièce Mercury, Pierre Mercure, à Assemblage Rocky. Pierre Mercure. Pierre Mercure, c'est H-Tato, c'est Chess. C'est la fin de l'Assemblage Rocky pour cette première heure. Il nous en reste une deuxième à faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François-Olivier? Tout. Audrey Tremblay qui vient de parler du journal de son campus. Et juste là, je la vois. Là. Car on n'essaye pas de dire qu'elle n'est pas là. Non. Elle a. Aussi Stéphanie Gagné. Stéphanie, tout à fait. Avec son plat favori. On a Dave Morgan du Manchester pour les lundis d'humour. Nicolas Ducharme pour parler du Super Bowl. Ah, c'est une belle deuxième heure remplie. Ça va être fort chargé. Mais pour l'instant, on écoute l'Infocampus. L'Infocampus, je l'associe et je mets l'article l'Infocampus. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis pour les articles aujourd'hui. La journée du lundi 7 février 2011. Grande journée, mon Mathieu. Oui, j'étais en mode palmarès pour dire la semaine du haut. Mais on n'est pas au palmarès, c'est fou. Non. Donc, François-Olivier Marchand est son nom. Mathieu Plante est le sien. Oui, et maintenant, c'est le moment de recevoir Audrey Tremblay. Tremblay. Shake it up, comme on dit. Shake it up. Bon matin. Bon matin, bon Rem. Tremblay, c'est pas shake it up. C'est c'est le même. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Ben voilà. C'est Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Shake, shake, shake, shake, shake it. Audrey, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous pour parler du plus récent numéro du journal Zone Campus. C'est en fait. Kiosque maintenant. Je te laisse parler. Depuis vendredi? Depuis vendredi, oui. Ouais. C'est en kiosque? Tout à fait. Mais il est tout chaud quand même. Il est tout beau. Ouais, ben c'est ça, il est beau, il est chaud, il est... C'est vrai qu'il est beau. En papier, finalement. Il est beau, hein? Oui. Bon, sur la nuit, on retrouve le carnaval, évidemment. C'était le gros sujet des dernières semaines, le carnaval étudiant. Incontournable carnaval, oui. Remarquable. Remarquable. D'autres, oui. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres qualificatifs pour ça, mettons? Ah, il y en a plein. Grandiose. Ouais. Magnifique. Merveilleux. Gigantesque. Bien sûr. OK, parcourons la section actualité un petit peu. Au niveau des actualités, on va parler du carnaval, qui a une édition sans anicroche. La journée carrière qui s'est déroulée au CAPS de l'UQTR. Le nouveau plan stratégique de l'UQTR qui vient de sortir. Mm-hmm. Un nouveau directeur adjoint au service de la gestion du personnel. On va parler aussi d'un projet de loi controversé qui touche la recherche universitaire. Du 23e Salon du Livre qui va avoir lieu du 24 au 27 mars, qui a annoncé leur programmation, en fait une partie de leur programmation. Mm-hmm. Des portes ouvertes de l'UQTR et de l'École internationale de français qui recrute présentement. Oui, bien, chaque année, ils recrutent, c'est bien normal. Il y a l'éditorial de Simon Fitzbé qui parle du départ du recteur Ghislain Bourque. Son départ à la retraite? Oui, à la retraite, pas sa démission. Son départ à la retraite. Effectivement. Il faut quand même qu'il démissionne, mais bon. Question de société maintenant, c'est au tour de Jean-François Veilleux qui fait la bascule avec Sophia Tourigny une semaine sur deux. Oui. Deux semaines sur quatre. Oui. Une fois par deux semaines, c'est une fois par... En tout cas. Et ouais. Voilà, Jean-François Veilleux qui est en France présentement. Oui, qui nous écrit à distance. Ouais. Vive la technologie. Oui. vive Word et Hotmail. C'est incroyable. C'est génial. Dans la section vie étudiante, on vous demande au Vox Pop, quelle a été votre activité préférée lors du Carnaval 2011? Des réponses très variées. Oui. Dont le bain de neige. Oui, effectivement. Pour certains. Bien sûr. On a un texte d'opinion. Oui. Svetly Debeau. Ouais. Exactement. Voilà. Très bon texte d'opinion. Oui, sur le gouvernement qui a perdu le Nord. Oui. Nous dit-il. On est rendu en art et spectacle maintenant. En art et spectacle, on va parler du spectacle d'ouverture du Carnaval de David Jalbert qui était à la salle Anaïs Rousseau de la Maison de la Culture. C'était un très bon spectacle en passant, c'est moi qui est allée le voir. Chanceuse! Ouais. Et ensuite, on va parler du match d'improvisation à la formule de Dieu merci qui a eu lieu durant le carnaval, de Pierre Hébert qui a fait les mardis de une joke, une bière. Oui, ouais, et le spectacle d'humour du mardi soir au carnaval. D'ailleurs, c'est toi aussi qui est allé voir ça. Oui. Et tu en as parlé beaucoup de Pierre Hébert cette semaine-là. Moi, oui. Tu l'as aimé. Hein? Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'étais pas tout seul à l'avoir parce que le 10-12 était plein. Oui. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très bon. Mm. Au-delà de beaucoup d'humoristes que j'ai vus en salle jusqu'à présent. Moi, je l'adore à un gars le soir et je suis un grand fan maintenant. On a beaucoup aussi... de chasseurs là, toi. Ah, je l'écoute pas direct à la télé, tu es malade. toujours dans la section couleurs des arts et spectacles, on a des photos du carnaval. On a fait exprès, on a déplacé les photos du campus en action dans la section couleurs pour profiter des couleurs pour le carnaval. C'est merveilleux. Oui, les photos sont très belles. Très jolies. Il nous reste une page en arts et spectacles. Oui, la saison de diffusion Plein Sud qui a annoncé sa programmation qui est très intéressante. Je vous invite à lire l'article. Mm-hmm. Et Parasite, la nouvelle exposition de la galerie R3 qui s'en vient dans les prochains jours à la galerie R3 Parasite. De l'UQTR. Tout à fait, juste à côté, ici, au pavillon des Rébeauchemins. Il nous reste la section sport. Oui, on va parler d'une compétition des cheerleaders qui a eu lieu à Trois-Rivières, qui n'ont pas beaucoup de compétition, d'ailleurs. Non, hein? On va parler de natation, de volleyball... des activités sportives du carnaval qui ont lieu durant le carnaval et de hockey. Évidemment, du hockey à la fin. De quoi est-ce qu'on parle en hockey? McGill? Oui. Les matchs, les différents matchs. Fort. Beaucoup trop fort, ça, McGill, voyons. Baisse la volume un peu. Ça veut rien dire. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Très beau tour, très rapide. Journal Zone Campus qui est en kiosque du 7, du 7 février au 20 février. Ben oui, c'est une petite erreur que j'ai faite là. 7 février au 20 février, deux fois le mot février. 2011, volume 6, numéro 11, en kiosque partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Achetez-le, même si ça dit deux fois février quand même. C'est pas un signe. Ben, on va peut-être le refaire. On pourrait on va le réimprimer. OK, on détruit. Donne-moi ton numéro. On va détruire ça. Détruire. <Hein? rire> Ah, ça, je suis capable de le faire, par exemple. Me détruire moi-même. Donc, Audrey Tremblay, prochain numéro du Zone Campus, ça aura lieu dans deux semaines, quoi. Oui. C'est simple de même, là, la règle est. C'est simple de même. C'est très simple. C'est ça. Aux deux semaines, une fois sur quatre, sur deux fois sur quatre. Voilà. Bye. Bye. Salut, merci. C'est ridicule comment je peux être inapproprié, François. Deux fois sur quatre. Deux fois sur quatre, c'est ça. Tu l'as dit. Oui. Ou quatre fois sur huit. Quatre fois sur huit. Oui, ou huit numéros par session, fois deux, 16. Hein? Je l'ai-tu l'affaire? C'est fort. C'est fort. C'est très, très fort. Vous êtes à l'assemblage requis. Tout à l'heure, on va recevoir Stéphanie Gagné pour parler de différentes choses. Il y a des sorties spectacles qui s'en viennent avec elle. Take Me Out. Oui, oui, tout à fait. Pas Take Me Out to the Ball Game. Take Me Out. Out. Oh, on la chante pas. Non. Et plus tard, elle va nous faire aussi sa chronique, ton plat favori, sur ses coups de cœur du moment. Mais pour l'instant, on écoute Zeus. Voici Kindergarten au 89.1 FM. C'est fou. They say I'm unhappy. Why can't I sleep at night? They say all I wanna do is laugh. All I wanna do is laugh. And I don't wanna hit the other kids in anger. All that I do, even when I don't want to. All I wanna do is clap. Sing. I don't wanna say.

like a hammer. Mmh, Matrix et la pièce Help I'm Alive. Est-ce que j'ai comme pas dit toutes les lettres là-dedans? Help I'm Alive. Ça sonnait comme. Non, je te dis. Five Alive. Five Alive, c'est délirant. Le petit jus, là. Oui, le petit jus, merci. T'aimes le petit jus. Ouais, j'aime bien le petit jus, ouais. C'est sûr. Oui, et amer. Et amer. Mais les papilles, les papilles gustatives. Les poils de tes papilles en sont. Ouais. Bon. Alors, on va parler avec Stéphanie Gagné, ça va avoir plus de sens, je pense. Voici sa chronique Take Me Out. Take Me Out! Bonjour Stéphanie! Allô Mathieu! Ça bonjour, va? Bonjour! Allô François! Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Elle sent les dèmes, je sais pas. Ah ouais! Arrête! Hey, oh Colin, François, touche pas son ordinateur rose là. Il fait des points coma à la place de point com. Des points coma! Points coma! C'est n'importe quoi. Bon ben Stéphanie est avec nous pour parler des sorties spectacles du moment, de la semaine. Oui, en effet. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé d'un groupe Pif Paf Hangover l'année passée. C'est un groupe qui avait participé au Mardi La Relève. Oui. Groupe que j'aime beaucoup, qui vient de Granby. Et ils n'ont pas beaucoup de spectacles, mais cette semaine, ils ont un spectacle à Montréal. C'est au Divan Orange. C'est demain, le 8 février. Ensuite de ça, le 10 février, il y a un spectacle à Trois-Rivières d'Amélie à la salle Louis-Philippe Poisson. La même soirée, du côté de Québec, il y a Mister Valère qui va être à l'Impérial. Le 11 février, c'est une grosse soirée. Il y a pas mal de spectacles. Premièrement, c'est la rentrée montréalaise d'Ariel. Ça va être au Club Soda. Ensuite de ça, Jérôme Minière qui va être au Théâtre Petit Champlain. The St. Catharines qui vont être au Nord-Ouest. Un groupe que j'ai connu. Ben oui. Ça, c'est ton genre. Ouais. Mais je pense pas y aller, là, mais. J'en suis vieux. Ah, François. C'est chaud. Je te comprends tellement, par exemple. Et la même soirée, le 11 février, Alex Nevsky va être à la boîte à chansons de l'Assomption du côté de Montréal. Et le 12 février, il va y avoir Yann Perrault à l'Étoile 10-30. Et la même soirée, le 12 toujours, Gigi French et Eve Cournoyer au Divan Orange. Ooh. Et là, je voulais faire écouter une chanson de Pif Paf Hangover, mais ils ont aucune chanson de disponible complète. C'est que des extraits, ça, c'est un petit peu agace. C'est seulement des extraits, c'est vraiment plate. Puis étant donné que c'est pas un gros groupe, ben ils ont pas de CD. Fait que c'est vraiment plate. Je voulais faire écouter du Pif Paf Hangover, mais on pourra pas. À place, on va écouter l'excellent Alex Nevsky, que j'adore. Voici notre cœur. Yeah. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur a lui aussi sa part de ciel. Notre cœur d'Alex Nevsky dans la chronique Take Me Out. Alex Nevsky, je le répète, en spectacle le 11 février au théâtre, non, pas au théâtre Petit Champlain, à la boîte à chansons de l'Assomption. Merci beaucoup, Stéphanie. Dormis, Mathieu. On te retrouve tantôt pour ta chronique Ton plat favori dans quelques minutes avec ton coup de cœur du moment. Je sais pas ce que c'est, j'ai hâte de savoir. OK. OK, c'est parfait, comme ça. On va prendre une petite pause, on écoute Panache avec Le genou de Claire et puis on revient après encore avec Steph. Et François. Et Mathieu Pain. Et vous. Et vous. Oh, et partez pas, là. C'est quand même... Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête. Et il est peut-être, peut-être, peut-être, oui, non, je veux connaître. Le Rubicon et la conquête. Comme ma main sur son genou. Le genou de Claire. Ah, c'est fou, là, vous. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Les enfants, hey, que je te vois pas. Vous êtes tannant. Non, François, fais pas ça. François, ne niaise pas Stéphanie comme ça, sinon c'est dans ta chambre. OK. Bon. Merci, Mathieu. Fait plaisir de te sortir de ça. Bon. Stéphanie Gagné qui est avec nous encore une fois. Et maintenant, voici sa chronique, ton plat favori. Rebonjour Stéphanie. Rebonjour Mathieu.

Ariel et la pièce règlement de compte, virgule, violence gratuite et cynisme non constructif, entre parenthèses, c'est quoi ton problème, point d'interrogation, ferme la parenthèse. Beaucoup trop long. Maintenant, c'est le moment de parler avec Nicolas Ducharme de l'inconduit de parti. Bonjour, madame. Me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de parti. L'inconduit de parti. Salut, Nick. Salut. Dis-moi là que t'as un ID ou je sais pas. Mais tu sais, moi, il y a toujours de l'enrobage. C'est toujours super bien fini. C'est professionnel. Je vois ça, je vois ça. C'est pas comme ton émission. Commence à 9h tantôt. Non, c'est pas vrai. Ouais. Elle est très bonne, elle est très professionnelle. Et même, c'est rendu avec des bulletins de sport, toi, cette affaire-là. Ça n'a même pas d'allure. Non, on essaie de faire ça justement le plus. Avec le plus de qualité possible. T'es rendu avec un ticker en bas de l'écran, avec des headlines qui parlent. On est à ça de se faire poser une webcam. Puis, Oui. Bon, donc tu nous parles d'un match d'un sport qui a eu lieu, c'était quand hier, je crois. Tu connais tellement pas le sport, là, mais. Il y a eu un botté. Et ouais. Puis, alors, le Super Bowl qu'on appelle, Mathieu. Ok, parfait, ouais. Dis-moi en plus. T'sais, avec Mathieu, c'est tout à ça. C'est l'événement de l'année. Mathieu dit, ouais, il y avait un match hier, semble-t-il. C'est une finale de quelque chose. Oui. Ben, en effet, c'était le plus gros événement de l'année dans le monde du sport, avec peut-être la Coupe du Monde l'an dernier. Le Super Bowl. Donc, victoire des Packers de Green Bay sur les Steelers de Pittsburgh. J'avais un petit blanc rapidement. Ils se sont fait voler le prix. Non, j'imagine que c'est ça qu'ils devaient dire à salut bonjour le matin. Hein? Qui se sont fait voler le Steelers? Steel comme acier, pas comme voleur. Ouais, je sais, mais ça se dit pareil. Là. Ben, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, comment tu prononces différemment Steeler de Steeler? Steel? Steel. Pas pareil. Ben oui! Hey, les boys, bon. Bon, OK. Donc c'est ça, là, on va parler de ça en masse à l'émission. Là, par part de ça, on reçoit Caroline Napierre, Lemay, qui est nageuse pour les Patriotes, qui a des super résultats cette année. Donc c'est une recrue, on va y parler. On va parler puis du reste des Patriotes, bien sûr. Hockey junior majeur, chronique comme à tous les lundis, football, pas football, foot européen. Le soccer, le foot. Et bien sûr, JP Grenier joue à nous vers 10h30. Et là, on va parler en profondeur du Super Bowl. Tout ce qui a pu retenir notre attention hier en cette extravaganza des... T'as-tu aimé ça? Super Bowl cette année? Oui, j'ai adoré. C'était un bon petit match. Bon spectacle. Ça allait être une petite affaire plus serrée. Mais c'était un bon show. Grandiose comme d'habitude. Là. On sait que... Comme les Américains le font. Ben ouais, c'est ça, c'est jamais petit avec le Super Bowl. Puis là, ils disent en plus, everything's bigger in Texas. So don't mess with Texas. Ouais, don't mess with Texas. Puis donc c'est ça, c'était encore plus gros. George Bush était là. Oui, c'est sûr, George allait être là. George Bush. Il est dans ses terres. Ouais. Mais non, c'est ça. Là, c'est un bon match. Je suis content que les Packers l'ont emporté. C'est mon équipe, donc là-dessus, le journaliste en moi sort un petit peu pour faire place aux fans. Mais ouais, donc c'est ça, non, je suis content. Puis je pense qu'on a eu droit à un excellent match. Bonne performance d'Aaron Rodgers qui a pu compter sur ses receveurs de passes, Greg Jennings, entre autres, pour aller chercher la victoire. Malgré il y a eu plusieurs défaites du côté des blessures du côté des Packers. Charles Woodson qui était sorti du match, entre autres. Mais ça n'a pas influencé. On a réussi à battre Ben Roethlisberger qui a eu l'air de tout sauf impressionnant hier. C'était probablement pas sa plus grosse performance à vie. Ça, c'est le corps arrière des Steelers. Oui, corps arrière des Steelers. Qui est très gros. Il y a du stock à l'entour des os. Ah ouais, écrime. J'ai pas une couette. D'habitude, les gars, me semble, sont plus non, pas nécessairement. Non. Ben, c'est pas un carrière qui court. Il a couru un peu hier. Il a couru un peu, mais dans sa pochette, c'est pas un gars qui sort énormément de sa pochette, comme la majorité des carrières dans la Ligue nationale de football. Donc, c'est moins pire. D'un autre côté, plus t'es gros, si tu réussis à être plus gros, mais quand même athlétique, quand même capable de décocher les passes, c'est juste un avantage pour toi, parce que si tu te fais juste accrocher un peu par un défenseur, t'as moins de chances de tomber. Si tu te mets à courir, t'as moins de chances de tomber. Donc, en bout de ligne, c'est pas négatif qu'il soit un petit peu plus massif que Rodgers, mettons. Nick, j'ai une question avant qu'on se quitte. Oui. Il y a un match qui va être couvert sur les ondes de C'est fou. C'est samedi prochain qui s'en vient. Samedi, ça va être sur les ondes de C'est fou. Donc, les Patriots hockey vont recevoir les Gigi's d'Ottawa. C'est à 2h l'après-midi. Et ça va être sur les ondes de C'est fou. On va faire un avant-match d'à peu près 5-6 minutes. Là, je ne sais pas, 5 à 10 minutes là, avant la partie. Mm-hmm. Et mercredi, on va web-diffuser le match. Ce mercredi, contre les Stingers de Concordia. Mm-hmm. On va web-diffuser le match. Ça va être sur les ondes. Ça va être sur le cestfou.ca. Et on fait des tests aujourd'hui, mais on devrait avoir et l'image et le son. Wow. Donc on c'est ce que les gens demandent. Ouais, ben c'est sûr que c'est plus le fun. Par contre, le match samedi ne sera pas web diffusé, va être seulement radio diffusé. Oui, c'est ça. Mais évidemment, le stream de la station de radio est aussi diffusé sur Internet. Donc ouais, c'est ça. Certaine... Ouais, quelqu'un qui est sur Internet peut écouter le son, mais il n'y aura pas l'image en tant que tel. Mais voilà. il va avoir notre ma belle voix et la voix d'un analyste aussi que je n'ai pas encore trouvé. D'accord, à déterminer. J'attends des callbacks. Là. Bon, on t'écoute, donc c'est mercredi soir en web diffusion sur CIFF.ca seulement. Ouais. Et samedi prochain sur nos ondes à la radio à 14h au 89.1 FM. Exactement, Mathieu. Merci beaucoup, Nick. Merci, Nick. Merci. Hey, en finissant, juste une petite question. Je sais que ça n'a pas trop rapport, ça a rapport au football, par exemple. Pourquoi les gars, ils se mettent du liners noir? C'est pour attirer la lumière vers... Et même si c'était à défermer. Ouais, mais il y a des t'as pas vu les lumières pour les spots qu'il y a là-dedans. Pour la télé, peut-être, pour les caméras. Non, non, c'est vraiment pour attirer attirer la lumière des spots, là, des c'est ça, là, les lumières, j'ai pas le terme. Ben, ça doit marcher s'ils le font, là, fait que, je peux pas te dire. Ou tradition, je sais pas. On t'écoute, t'as l'incondit de partie, c'est à partir de 9h tout à l'heure, les lundis et les vendredis. Merci, Nick, bye. Fait plaisir. Yeah! C'est tout pour Assemblage Requis, on se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'à l'émission de demain, François? Demain, on est mardi? Oui. Hey, crime, je m'entendais plus. C'est Émilie Gauthier, hein? C'est Émilie Gauthier. Émilie Gauthier le mardi. C'est ça. Le mardi, ça commence à 7h, ça finit à 9h. Ben, c'est ça. Avec là-dedans, il y a Émilie Gauthier. Avec qui? Émilie Gauthier, Mathieu Plante, François-Olivier Marche. OK, parfait. C'est demain à 7h. Restez sur nos ondes après l'incontu de partie, c'est Dîner de con à 11h. Ensuite, c'est les betteraves hurlantes. On se la joue, la voix est libre, la saveur du moment, le voyage insolite et où c'est blanc, où c'est noir. Belle soirée de différents styles musicaux, de l'indie rock, de la musique, de l'humour, l'actualité, de la culture rock et du rap. Wow! Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent à demain matin. Bye, François. Salut, Matt. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.